ravi de vous retrouver sur Radio Gemozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage épisode 6, c'est maintenant. Tout de suite, une expression, faire dresser les cheveux sur la tête. C'est-à-dire inspirer un sentiment d'horreur à quelqu'un. Vos cheveux se dressent sur votre tête devant un film d'horreur. Comme pour la chair de poule, le muscle horripilateur en est responsable. Cet organe minuscule situé à la base de chaque poil est capable de le redresser sous l'effet du froid ou de la frayeur. Il réagit ainsi à l'adrénaline, une des hormones produites par le corps en situation de stress. C'est à cause d'elle qu'on a le cœur qui bat la chamade ou des sueurs froides plutôt horripilantes. Si on peut réellement avoir la chair de poule, la chevelure ne dresse presque jamais sur la tête au sens littéral. Lorsque vous avez l'impression que vos cheveux se dressent, il s'agit plus d'une sensation que d'une réalité, surtout si vous les portez longs. En cas de peur intense, vous pourrez ressentir des picotements, mais votre chevelure ne tiendra pas debout sur votre crâne, à moins d'être très courte. Certes, dans les bandes dessinées, les personnages deviennent hirsutes à la moindre frayeur, mais ce n'est qu'une astuce du dessinateur pour rendre la peur visible. La crainte ne peut pas hérisser à ce point. Mais il existe toutefois un syndrome des cheveux incoiffables. Chez les enfants atteints de cette anomalie génétique très rare, les cheveux poussent dans tous les sens. Littéralement dressés sur la tête, aucun peigne ni aucune brosse ne peuvent les aplatir. Heureusement, ce problème régresse spontanément à l'adolescence. C'est justement à l'adolescence qu'on voit apparaître des crêtes de cheveux dressées sur la tête des jeunes branchés. Ce style de coiffure des Indiens Iroquois, emblème des mouvements punk, est devenu populaire à la fin des années 1970. Les punks voulant inspirer la terreur par les cheveux dressés, mais aujourd'hui, on n'a fait plus de cheveux pour si peu. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Joseph Pulitzer. Comment un Hongrois a-t-il créé le prix américain le plus prestigieux? Quel rapport peut-il bien avoir avec l'écrivain Ernest Hemingway, le rappeur américain Kendrick Lamar et le 35e président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy? Ils sont tous américains, certes, mais comme de centaines de millions de personnes sur cette planète. La réponse, ils ont tous été couronnés du prix Pulitzer. Quel est donc ce prix qui récompense des personnes aux talents si différents? On le doit à un certain Joseph Pulitzer, ni rappeur, ni président, mais journaliste d'investigation de renom. La vie ne semblait pourtant pas prédestiner son Hongrois à une telle carrière. Celui qui s'appelle encore Joseph Pulitzer, avec un Z, rêve d'être un soldat. En 1854, âgé de 17 ans, il tente successivement de s'engager dans l'armée autrichienne, dans celle de Napoléon III, puis dans les troupes britanniques. Le jeune homme est à chaque fois réformé en raison de sa frêle constitution. C'est alors que Pulitzer s'embarque pour les États-Unis où il sert dans les forces unionistes lors de la guerre de sécession. Après la guerre, le jeune Joseph s'installe à Saint Louis dans le Missouri où il servit grâce à de différents petits travaux. Un jour, il est victime d'une arnaque qui va changer sa vie. Un homme lui promet un emploi dans une plantation dont il ne verra jamais la couleur. S'apercevant qu'il n'est pas le seul à avoir été roulé dans la farine, le jeune Pulitzer, son nom américanisé entre-temps, prend la plume, le fait le récit de sa mésaventure, qui sera publié dans le journal germanophone le Westlich Post. Pulitzer se forge une réputation de journaliste sérieux et infatigable. Le modeste immigrant hongrois se transforme en quelques années en citoyen influent, maîtrisant parfaitement la langue de son pays d'adoption, fréquentant l'élite. Il épouse Kate Davis, une américaine de bonne famille, puis devient actionnaire. C'est ainsi que commence sa carrière de riche propriétaire de journaux. Patron du Saint Louis Dispatch d'abord, puis du New York World, qui s'avère le journal le plus lu du pays pour dévoiler de nombreuses affaires de corruption. Rattrapé par sa santé fragile, il contraint à quitter ses fonctions en 1890 à l'âge de 43 ans. L'homme autrefois très actif, désormais quasiment aveugle, sombre dans la dépression et développe une sensibilité extrême au bruit. Il vit de plus en plus en reclus, passant une grande partie de son temps sur son yacht jusqu'à sa mort en 1911. Il ne s'arrête pourtant pas là. N'oublions pas que c'est la dénonciation écrite avec style d'un abus dont il a été victime qui a changé sa vie. Pulitzer fonde un prix destiné à stimuler la création dans les domaines aussi variés que la littérature, le théâtre ou l'éducation, mais surtout le journalisme d'investigation, afin d'exposer de sales coups au grand jour. Vœu entendu, puisque le prix a récompensé des journalistes ayant travaillé sur des plus grandes affaires de notre temps, comme le Watergate ou l'affaire Sweden. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Amadou Décryptage, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Radio Gemozo. Passez une excellente journée sur nos antennes, et moi je vous dis bye bye.